avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes, ne jamais relâcher. C'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est en avançant qu'on apprend et grandit. Ça fait, c'est made in unity. Faut avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes, ne jamais relâcher. C'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Parce que c'est fait dans l'unité. Quand je regarde autour de moi, non, je ne la vois pas toujours. Non, l'unité n'existe pas beaucoup, il y a manque d'amour dans notre mouvement. Qui pourtant l'apprend dans chaque discours. Aïe, aïe, dans toutes les chansons, reggae music classe comme tous les jours. Mais quand c'est chacun pour soi, alors là, les mauvais vibes abondent. Il n'y a que jalousie et tracas à des kilomètres à la ronde. On se tire dans les pattes, boum, toi t'es pas de ma bande. Il faut changer tout ça, il faut avancer ensemble. Moi je demande plus de love. Entre les massives et crew, je demande plus de love. Brrrr, entre les hommes et les femmes, les boys, les gars, plus de love, ouais, ouais, ouais. Made in unity, ouais. Faut avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes, ne jamais relâcher. C'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est en avançant qu'on apprend et grandit. Ça fait, c'est made in unity, ouais. Faut avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes, ne jamais relâcher. C'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Parce que c'est fait dans l'unité. Ne jamais relâcher, c'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est en avançant qu'on apprend et grandit. Ça fait, c'est made in unity, ouais. Faut avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes. Ne jamais relâcher, c'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Parce que c'est fait dans l'unité. Heureusement qu'il y a quand même, heureusement qu'il y a quand même des soldats sur le même terrain. Cette compilation te prouve que ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain, non, non, non. C'est la voix des MC sous des mains dans la main. Tous les soirs on demande plus de love. Entre les massives et crew, on demande plus de love. Abre et bam, tango, oui, on demande plus de love. Entre les hommes et les femmes, on demande plus de love. Déplacer des montagnes, ne jamais relâcher, c'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est en avançant qu'on apprend et grandit. Ça fait, c'est made in unity, ouais. Faut avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes, ne jamais relâcher, c'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Parce que c'est fait dans l'unité. Made in unity, ouais. Faut avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes, ne jamais relâcher, c'est vrai, fabriqué dans l'unité, frère. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est en avançant qu'on apprend et grandit. Ça fait, c'est made in unity. Faut avancer, faut être soudé, déplacer des montagnes, ne jamais relâcher, c'est vrai, fabriqué dans l'unité.